Et Dieu sait si les hommes en ont du sentiment. À tous les niveaux, de toutes les sortes, pour toutes les conditions, pour tous les projets possibles. Lorsque je dis à l'homme que l'homme est totalement ignorant sur la terre, je ne veux pas dire que l'homme n'est pas intelligent, que l'homme n'a pas développé des choses ou que l'homme n'a pas compris des choses. Je dis que l'homme est totalement éloigné, totalement en dehors de, totalement séparé de l'intelligence de l'esprit. Il ne fonctionne qu'en relation avec l'esprit de son intelligence et il croit que cet esprit lui convient et il ne lui convient pas. C'est impossible que l'esprit de l'intelligence convienne à l'homme. La preuve, c'est que l'homme de la terre, qui vit dans l'esprit de cette intelligence, n'est pas bien dans sa peau. Un homme qui est dans l'intelligence de l'esprit défie toujours et constamment l'esprit de l'intelligence. Un des plus grands plaisirs de l'intelligence cosmique, c'est de détruire ce qu'elle a créé pour l'évolution de l'esprit de l'intelligence. Un des plus grands plaisirs de l'intelligence, c'est de détruire les formes qu'elle a créées pour l'évolution. Lorsqu'en fait, une des plus grandes bêtises de l'esprit de l'intelligence, c'est de croire que ces formes sont stables et permanentes, et valables, et solides, et indestructibles. La liberté de l'homme est toujours en dehors de la forme. Mais dans l'esprit de l'intelligence, il y a toujours de la forme qui convient à l'émotion et à l'intellect de l'homme. Nous avons peur, les hommes, de détruire les temples de l'esprit de l'intelligence. Nous avons peur. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas suffisamment dans l'intelligence de l'esprit. Parce que nous n'avons pas suffisamment souffert pour être dans l'intelligence de l'esprit. Parce que pour être dans l'intelligence de l'esprit, il faut souffrir. La preuve, c'est qu'il faut détruire les temples érigés par l'esprit de l'intelligence. Elle est là, la souffrance. La souffrance psychologique, la souffrance émotive de l'homme, de l'initié, de celui qui vit l'initiation solaire, elle est quoi? Elle est la destruction de l'esprit de l'intelligence. C'est pour ça que vous souffrez. Et l'homme a peur de détruire ce temple parce qu'il a été érigé, dans le passé par la tradition. Il est une œuvre d'art érigée par l'esprit de l'intelligence pour sa propre glorification, pour sa propre maintenance, mais contre l'intérêt de l'homme. Nous commençons un peu à sentir l'importance d'être centrique, l'importance de voir par nos propres yeux, de par notre propre intelligence. Mais nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Nous commençons. Tout est énergie, alors tout est transmuté dans le temps. Il ne s'agit pas de mettre 25 cents dans la machine. Et tant que nous avons peur de détruire l'esprit de l'intelligence, il nous est impossible de sortir de la forme, c'est-à-dire d'entrer dans l'énergie de l'intelligence de l'esprit. parce que l'esprit de l'intelligence est la limite à l'intérieur de laquelle nous sommes embouffetés. Elle est la limite. Et plus nous avons peur de détruire l'esprit de l'intelligence, plus nous avons peur de combattre dans notre esprit, plus nous avons peur de renverser les positions dans notre esprit, plus nous sommes incapables d'être dans l'intelligence et aussi, par ricochet, moins nous avons la capacité de la faire. C'est un cercle vicieux. Mais il y a toujours une solution à un cercle vicieux. C'est la souffrance. Il y a toujours une solution à un cercle vicieux, c'est la souffrance, c'est-à-dire c'est cette prise de position inconditionnelle, c'est cette prise de position qui ne convient pas aux lois du cercle vicieux. Tant que nous jouons le jeu du cercle vicieux, nous sommes prisonniers du cercle vicieux. Et à un certain moment, nous avons, parce que l'homme est en relation avec l'intelligence, l'ajusteur de pensée, l'homme est en relation avec l'intelligence. Non pas d'une façon permanente, mais elle est là. Et de temps en temps, elle se fait sentir, et lorsqu'elle se fait sentir, c'est à ce moment-là que l'homme doit détruire le cercle vicieux. L'intelligence pue, ce n'est pas un phénomène extraordinaire. Tous les hommes y ont accès. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la souffrance que certains êtres peuvent vivre en comparaison avec d'autres pour la vivre et la connaître et en faire expérience. Ce n'est pas l'intelligence qui est extraordinaire. L'intelligence, c'est simplement de l'énergie. Mais c'est la souffrance qui est extraordinaire. On ne mesure pas un homme d'après son intelligence. On doit mesurer un homme par la souffrance qu'il a vécue pour l'avoir, pour l'atteindre et pour la connaître. Mais nous, comme nous sommes dans l'esprit de l'intelligence et que nous sommes dans... Nous vivons des exploits de l'esprit de l'intelligence, que nous sommes à la recherche de la connaissance, cette maudite connaissance que tout le monde recherche sans fin, automatiquement, nous avons tendance à voir ou à regarder de près l'intelligence dans l'homme plutôt que de réaliser par soi-même la souffrance qu'il a vécue pour la vivre. Nous sommes magnétisés par la forme et nous donnons à l'intelligence pure une forme. Nous disons, ah, ce bonhomme, il est intelligent. Ah, ce bonhomme, il est... Ah, ce bonhomme... Ça fait partie de l'esprit de l'intelligence. Un homme qui est dans l'intelligence de l'esprit ne peut pas s'abaisser à voir un autre homme qui est dans l'intelligence. Il ne peut pas s'abaisser en se servant des formes qui proviennent de l'esprit de l'intelligence et dire « Ah, quel bonhomme !» Et c'est très réel ce que je vous dis, parce que moi je sais, dans mon expérience, je connais des gens avec lesquels j'ai des relations suffisamment proches, et je sais que ces gens, et je le sens, que ces gens ne sont aucunement attachés, d'aucune façon que ce soit, à ce phénomène qui provient de l'esprit de l'intelligence, c'est-à-dire attaché à une forme créée par elle, leur permettant d'apprécier ou d'admirer la manifestation dans ma personne de l'intelligence. Ils sont totalement... Ils sont dans leur intelligence. Et il est grandement temps, sur le globe, que les hommes cessent d'admirer d'autres hommes et puissent commencer à vivre de leur propre intelligence. Il est grandement temps. Nous nous demandons ensuite pourquoi nous ne nous sentons pas à l'aise avec nous-mêmes, pourquoi nous sommes gênés avec les autres, pourquoi nous sommes impuissants à parler, pourquoi nous n'avons pas la capacité de faire sortir de soi toute cette énergie qui est là, latente. Pourquoi? Parce que nous sommes prisonniers de notre propre esprit. Nous sommes prisonniers de notre propre esprit. Et notre esprit, dans notre tête, nous le fait savoir que nous sommes prisonniers. Il nous dit, « Oh, je suis pas capable de faire ça. » Je suis pas capable de faire ça. Et on se fait démolir par notre propre esprit. Par notre propre esprit, jusqu'au moment où, comprenant les lois de l'esprit, les lois de l'intelligence, nous nous allions avec l'intelligence contre l'esprit. L'homme doit être capable de détruire son propre esprit. Son propre esprit, et c'est très subtil ce que je dis. Maudit que c'est subtil, ce que je dis. Ça ne se comprend que lorsque l'on commence à le faire. L'homme doit être capable de détruire son propre esprit parce que l'homme n'a pas besoin de la forme de l'esprit, de la forme créée par l'esprit pour survivre sur le plan matériel ou sur les autres plans. Il n'a pas besoin. Tout ce qu'il a besoin, c'est de la lumière, c'est-à-dire de l'intelligence. Alors, nous n'avons aucunement besoin de notre propre esprit ou des formes qui émanent de notre propre esprit. Ce que nous avons de besoin, c'est de l'intelligence, de cette énergie qui crée en nous ce que nous avons de besoin pour que nous puissions, sur un plan ou sur un autre, vivre une vie pleine et créative qui coïncide avec le passage de cette énergie. Nous n'avons pas besoin de notre esprit. Notre esprit nous met constamment dans la merde. Il nous ment constamment, notre esprit. Il est l'expression parfaite de notre incapacité, de nos faiblesses, notre esprit. De temps à autre, il nous montre quelque chose de bien. Mais de temps à autre, il nous montre quelque chose de moins bien. Une minute, il nous donne la puissance de penser que nous avons la puissance d'être, et une autre minute, il nous met totalement par terre, il nous fait réaliser que nous n'avons pas la capacité d'être ce que nous pensons avoir en puissance. Et c'est une nouvelle étape dans l'évolution de l'humanité. Ce que je dis, lorsque je dis, et d'ailleurs c'est une nouvelle étape dans l'évolution de la psychologie de l'homme, lorsque je dis que l'homme devra apprendre à détruire son propre esprit. L'homme n'a pas besoin de son propre esprit, de son esprit, de l'esprit de l'intelligence. Il n'a pas besoin de ceci. Non. Il vit de ceci, il est alimenté de ses formes. depuis qu'il est jeune. Mais lorsqu'il entre dans la maturité de l'intelligence, lorsqu'il entre dans la maturité de lui-même, il n'a plus besoin de son propre esprit. Mais quel homme ose aujourd'hui ou osera détruire son propre esprit? Quel homme osera détruire son propre esprit? Quel homme aura la capacité, l'intelligence pour détruire son propre... Parce qu'il faut être intelligent pour détruire son propre esprit. Très intelligent. Il faut être dans l'intelligence de l'esprit. Sans ça, on se fait jouer des free games, puis on meurt. Pourquoi l'homme meurt? Parce qu'il est dans son propre esprit. Et étant dans son propre esprit, il n'a pas la force, la vibration qui connecte tous ses principes. Il devient un être à 4 étages au lieu d'être un être à 7 étages. Alors, ne demandez-vous pas pourquoi est-ce qu'on finit dans le pétrole. Et pour détruire son propre esprit, ça prend de la volonté et ça prend de l'intelligence. Et un va avec l'autre. Il y a énormément de choses dans notre vie qui ne nous conviennent pas. Alors, s'il y a des choses dans notre vie qui ne nous conviennent pas, pourquoi vivrait-on avec ces choses? Puisque l'inconvenance de ces choses nous a été imposée par notre propre esprit. Et on les accepte, ces choses, parce qu'on n'a pas l'intelligence de l'esprit. Alors, on continue à jouer le jeu de l'esprit de l'intelligence. Et ensuite, les gens viennent se plaindre. Les gens vont voir les avocats, les gens vont voir les psychiatres, les gens vont voir les psychologues, les gens vont voir les maîtres, les gens vont voir les gourous, les gens vont voir des gouzous, les gens lisent des livres. Les gens veulent se sortir de la merde qui a été créée par l'esprit de l'intelligence. Et le cirque continue. Les gourous, les livres... continue à jouer le jeu de l'esprit de l'intelligence parce que sur la Terre, tant que l'homme ne sera pas dans la conscience supramentale de la 6e race, il sera toujours assujetti au jeu de l'esprit de l'intelligence. C'est grave, le phénomène de l'homme. Très grave, le phénomène de l'homme. Et vous n'avez même pas d'idée. Heureusement que vous n'avez pas d'idée. Vous perdriez votre esprit. C'est pour ça, il y a une différence entre perdre son esprit puis détruire son esprit. Perdre son esprit, c'est être l'esclave de la puissance de l'esprit de l'intelligence à un niveau inférieur, ce qu'on appelle la folie. Mais détruire son esprit, c'est être en puissance, c'est être sur le dessus, c'est être sur le sommet de la montagne et de lentement raboter ses flancs pour que, au lieu qu'elle soit comme ça et qu'elle s'étende vers la vallée, elle ne devienne éventuellement qu'un canal. C'est ça, détruire son esprit. Mais nous, nous glissons sur les pentes de la montagne. Nous glissons sur les pentes de l'esprit de notre intelligence et nous adorons faire du ski. Et lorsque l'on nous dit, un jour, bonhomme, il faut que tu cesses de faire du sport, on s'énerve. Parce que c'est le fun de faire du sport. Pitt fait du sport, mais Pitt reste dans le pit. Il n'y a pas de conversation possible avec l'esprit de l'intelligence. D'ailleurs, vous en êtes conscient, vous avez parlé dans votre tête. Qui peut aujourd'hui me dire d'une façon franche et absolue qu'il a eu un dialogue franc et absolu avec l'esprit de son intelligence? Qui? Qui? Le seul moment où il y a une franchise totale, le seul moment où il y a une canalisation parfaite entre l'intelligence et l'homme, c'est lorsque le mouvement se fait de haut en bas et c'est lorsque l'homme parle. Ce n'est pas lorsque l'homme parle dans sa tête. Communique, écoute, pense. Penser, ça fait partie du jeu de l'esprit de l'intelligence. C'est la béquille mondiale et planétaire de la cinquième race. C'est la table à dessin de la bombe atomique. C'est la chambre de conférence des grands conflits politiques et des incompréhensions et des bévues et des bavures internationales. L'esprit de l'intelligence. Tant que l'homme n'aura pas compris, n'aura pas saisi, n'aura pas vu, il n'aura pas cessé de regarder au lieu de voir, il sera incapable de détruire son esprit. Et c'est le prochain flambeau, c'est le prochain drapeau que je placerai sur l'édifice de la philosophie psychologique de la conscience supramentale à travers le monde, la nécessité à l'homme de détruire son esprit. Et j'en expliquerai tous les aspects, et je vous assure que le drapeau flottera dans le vent de l'émotion. Il y a des étapes dans la capacité de détruire son esprit. Et la première étape dans laquelle, dans ce travail vous a déjà été expliqué, c'est de ne jamais croire. Et la deuxième étape que je vais expliquer aujourd'hui, qui coïncide avec une sorte de souffrance que nous avons vécue après un certain temps. Cette deuxième étape coïncide avec une capacité interne ferme de ne jamais sentir, lorsque nous détruisons notre esprit, que nous avons mal fait de le faire. Que nous avons probablement fait une erreur. Autrement dit, ne même pas vivre le soupçon d'un doute que l'énergie qui est derrière l'esprit de l'intelligence, l'énergie de la fusion, que l'homme ne puisse même pas avoir l'ombre d'un doute que l'énergie de la fusion, qui est l'énergie de la vie, puisse se tromper d'un iota. Et si l'homme est capable de sentir en lui Et ça, c'est une capacité, ce n'est pas simplement une attitude. Si l'homme est capable de sentir en lui, s'il est capable de véhiculer en lui-même, cette énergie, sans questionner sa perfection, il commencera à détruire son esprit. Et s'il a moindrement une imperfection dans la canalisation de cette énergie, il souffrira le doute, parce que l'esprit de son intelligence reviendra à la course pour lui remontrer émotivement et mentalement des aspects qui ne conviennent pas à la réalité. Alors, il souffrira. Et je sais que tous les hommes ont eu, quelque part dans leur vie, cette énergie qui les faisait agir sans qu'ils se questionnent. Mais lorsque l'homme vit cette énergie d'une façon plus consciente, cette énergie devient pour lui son intelligence. Et avec le temps, elle remplace l'esprit de l'intelligence et elle le libère d'une fois pour toutes du fardeau karmique de l'existence matérielle. Pour vous, c'est le fun d'écouter Bernard. Parce que Bernard fait pour vous autres votre job. Mais un jour, vous allez être obligé de la faire pour vous autres votre job. Parce que Bernard, il ne va pas toujours être là. Il crisse son camp bien vite. Bernard. Alors, un jour, vous aurez vous-même à faire ce que aujourd'hui je vous démontre, je vous explique, je vous présente, parce que je ne serai pas pour la vie dans vos culottes. Que j'établisse une base solide pour une vision et une, et une compréhension du réel, de ses lois, de sa mécanicité, que j'établisse une fondation solide pour que nous puissions avec grande facilité télescoper ce qui est très loin de nous et le rapprocher, ce qui est le matériel en nous qui convient à l'esprit de l'intelligence. Ça, c'est une chose. Mais l'homme, un jour, devra par lui-même exécuter et s'exécuter. Et c'est par le développement de votre sensibilité que vous apprendrez à vous exécuter, au lieu de vivre constamment dans votre insensibilité. Et l'insensibilité que je parle, je ne parle pas de l'insensibilité spirituelle, parce que l'insensibilité spirituelle fait partie de l'esprit de l'intelligence. Et la sensibilité spirituelle fait partie de l'esprit de l'intelligence. De sorte que les deux aspects du spirituel dans l'homme doivent être détruits. Le poussin doit être écrasé dans l'œuf. Et ce n'est pas facile. Parce que nous n'avons jamais été parlé, nous n'avons jamais été expliqué. Personne, jamais depuis l'évolution de l'homme n'a expliqué à l'homme les lois de la lumière, les lois de l'intelligence. Ah, on a développé des tableaux, on a présenté des tableaux, on a fait des tirés. Mais jamais on a expliqué à l'homme les lois de l'intelligence, parce que ce n'est pas le temps. Et l'homme s'est habitué à convenir avec tout ce qui lui a été expliqué et donné. Mais ce n'était pas de l'explication. Parce que pour expliquer quelque chose, il faut en connaître d'abord la cause. Ce n'est pas parce que nous parlons ou nous bavardons des mondes invisibles et de l'ésotérisme ou que nous faisons de l'ésotérisme philosophique à toutes les sauces et avec tous les points d'intérêt possibles que nous expliquons ou que nous donnons à l'homme une explication du réel. Oh. Vous imaginez-vous que l'homme a besoin d'ésotérisme et d'occultisme pour être intelligent? Nous conversons constamment avec l'esprit de l'intelligence, dont l'occultisme et le spiritisme et le spiritualisme sont ses plus beaux enfants. Nous conversons avec les enfants de l'esprit au lieu de manifester la puissance du Père de l'esprit qui est fils à l'intelligence. Nous sommes tellement loin de l'homme que lorsque nous nous regardons, nous ne voyons que des ébauches primitives d'un esprit qui n'est pas encore né sur la terre. Nous calculons en raison de ce que nous voulons, mais ce que nous voulons ne convient aucunement à notre intelligence, il convient à notre esprit. Et autant nous sommes rattachés à notre esprit, autant nous avons peur de notre intelligence. Et je dis que l'homme a peur de son intelligence. Ne venez pas me voir et me parler de fusion. Heureusement que je ne vous dis pas toujours le profond de ma pensée. Je vous découvrirai net. J'avertis l'homme que les temps. Et ces temps sont cachés à l'homme. Ce ne sont pas les temps que l'homme pense. Ce ne sont pas les temps qui lui ont été annoncés par l'esprit de l'intelligence. Je parle des temps qui sont cachés à l'homme. Je parle de ces temps où la conscience de l'individu sera tellement grande que les temps annoncés par l'esprit de l'intelligence n'auront plus sur lui aucun effet. Et ce sont ces autres temps, ces deuxièmes temps, qui sont les temps les plus pénibles pour l'homme, mais les plus grands et les plus beaux. Ils sont les plus pénibles parce que l'homme va vers ces temps dans la souffrance, mais ils sont les plus beaux parce que lorsqu'il entre dans ces temps, il n'est plus homme, il fait partie d'une autre dimension. Et ce n'est pas par l'esprit de l'intelligence et par toutes ses couvertures, et je dis toutes ses couvertures, et je dis toutes ses couvertures, il n'y a pas un maître aujourd'hui sur le globe terrestre qui puisse se dévêtir d'au moins une couverture qui couvre son intelligence. Et les maîtres de la terre, quelle que soit leur fonction, quel que soit leur rayonnement, devront un jour se lier dans une unité totale et converser d'une façon parfaite avec l'intelligence de l'esprit. Et ce sera dans ces temps-là que le voile sera déchiré dans la conscience de l'homme et que l'esprit de l'intelligence n'aura plus de pouvoir sur la terre. Nous pensons que nous avons été dit l'avenir de l'homme. Nous pensons que nous avons été expliqué l'avenir de l'homme. Je vous dis, l'homme ne sait rien de demain. L'homme ne sait rien de demain. Ce qui a été dit à l'homme provient de l'esprit de l'intelligence. Et, comme le Nazaréen le disait, seul mon Père le sait. Et pourtant, les hommes ont écouté ces paroles, les hommes ont entendu ces mots qui ont créé pendant des siècles une réverbération dans le couloir de l'humanité. Et encore aujourd'hui, les hommes courent à la voyance et à la prophétie. Les hommes huilent le corps de leur intelligence avec ses sauces, avec ses onguents, pour se rapprocher du réel, pour se rapprocher de l'inévitable. Les hommes de toutes les nations sont stupides. Et les hommes de toutes les nations vivront et souffriront de leur stupidité parce que la stupidité, c'est la nature, la couleur, la grandeur et l'effet de l'esprit de l'intelligence. Les hommes sont stupides. Et convienne à tous les hommes de la terre de savoir, de réaliser et de comprendre un jour leur stupidité pour entrer une fois pour toutes dans l'intelligence de l'esprit. Et tant que les hommes n'auront pas capté ce que je dis par la vibration, ils croiront que moi, je crois que l'homme est stupide. Et je ne crois pas que l'homme est stupide. Je l'annonce à la terre et je le dis et je la forme et dans le temps, je le présenterai à l'humanité sur un plan qui ne convient pas aux hommes de reconnaître aujourd'hui. Autrement dit, il n'y a plus pour l'homme de paix sur la terre tant qu'il est alimenté par l'esprit de son intelligence. Et ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas après-midi, ce n'est pas demain matin, ce n'est pas la semaine prochaine que l'homme réalisera et comprendra ce que je dis. C'est dans le temps qui vient. C'est dans son temps à lui. Autrement dit, c'est dans un temps qui convient à son état vibratoire. C'est-à-dire que c'est dans un temps qui convient à la perception en lui de l'intelligence qui fait contre-courant avec l'esprit de son intelligence. L'homme n'a plus de temps. L'homme n'a plus de temps. Je n'irai pas dans les grandes assemblées. Je n'irai pas dans les forums et je ne me présenterai jamais devant des masses. Je ne veux pas voir de grand nombre d'hommes devant mes yeux. Parce que je ne suis aucunement intéressé à l'humanité. Je ne suis aucunement intéressé à l'humanité parce que l'humanité fait partie du passé. Et comme je ne vis pas dans le passé, je ne peux pas converser avec l'esprit de l'intelligence et répondre aux exigences de l'esprit de l'intelligence d'une humanité qui vit dans le passé. Et c'est pour ça que jamais je ne me présenterai devant un nombre plus grand que ce qui a été établi. Nous voyons l'humanité comme étant une mer importante, imposante, qui doit être sauvé, qui doit être amené à une réconciliation avec la vie. Je vous dis que l'humanité, c'est de la merde et que les corps de l'homme seront brûlés dans le feu du temps qui vient. Pour une raison. Une raison seulement. C'est que seuls ceux qui sont forts, c'est-à-dire seuls ceux qui sont dans l'intelligence de l'esprit, pourront survivre au choc que vivra l'esprit de l'intelligence. Et quand je dis ceux qui sont forts, je dis ceux qui sont dans l'intelligence. La force n'existe pas dans l'esprit de l'intelligence. Il n'y a qu'une forme de force. Il n'y a qu'une forme de force qui se manifeste dans un certain caractère. Mais montrez-moi un ego sur la terre qui n'est pas alimenté par la vie, et cet ego, je vous le montrerai, est destructible. Et un ego qui est destructible ne peut pas servir à l'homme de demain. Un homme qui ne peut pas alimenter sa vie par les forces de la vie, un homme qui ne peut pas vivre de l'intelligence, est obligé de vivre de l'esprit de l'intelligence et il fait partie de cet amoncellement énorme et quantitatif que le Nazaréen appelait les tièdes. Si vous me demandiez qu'est-ce que c'est la différence entre l'esprit de l'intelligence et l'intelligence, si vous me demandiez là, de définir ça d'une façon très simple, je dirais que l'esprit de l'intelligence, non. Je dirais que l'intelligence, c'est ce qui vous pousse. Puis l'esprit de l'intelligence, ce qui vous tire. Comprenez-vous ça? Ça a-tu du bon sens? L'intelligence, c'est ce qui vous pousse. C'est impersonnel. Ça vous pousse. C'est l'énergie qui vous amène à telle chose. Puis l'esprit de l'intelligence, c'est ce qui vous tire. qui est dans son mouvement opposé. L'intelligence vous pousse, souvent sans raison apparente, mais elle vous pousse. C'est comme si c'est malgré vous autres. C'est plus fort que vous autres. Vous êtes prêts à vous en empêcher. Ça, c'est l'intelligence. C'est la vibration, l'énergie de l'intelligence. Puis l'esprit de l'intelligence, c'est ce qui vous tire. Qui essaye de trouver une raison contre le mouvement qui vous pousse. Rationaliser contre le mouvement qui vous pousse. Vous donner des raisons contre le mouvement qui vous pousse. Faire interférence contre le mouvement qui vous pousse. Mais il y a un point ici qui est bien important. Ça, c'est bien important. Dans l'esprit de l'intelligence, il y a deux niveaux. Il y a un niveau qui est retardataire, puis il y a un niveau qui est évolutif. Le niveau retardataire et le niveau qui est évolutif. Faut pouvoir le reconnaître. On n'a pas besoin de reconnaître ce qui est de l'intelligence. De l'intelligence, c'est qui pousse. De l'intelligence, c'est une énergie qui pousse. On n'a pas besoin de s'occuper de ça, de l'intelligence. Mais on a besoin de s'occuper de l'esprit de l'intelligence. Parce que c'est dans l'esprit de l'intelligence